Walking on the Sun, c'est la périlleuse excursion digne d'Icare que nous proposait en 1997 le groupe californien Smash Mouth, autrement dit la bouche fracassante comme celle de Veronica Berlusconi qui nous a annoncé furax qu'elle quittait son mari, et c'est dommage. Car elle n'a pas compris que Silvio l'aimait passionnément, mais à sa manière bien sûr. Je t'aime à l'italienne. Je t'aime à l'italienne. Bon, voilà, ça c'est fait, et en plus, on s'en fout, basta. D'autant plus qu'il est temps pour toi de te vautrer confortablement pour amorcer ensemble les modestes aventures laïques de ce 162e épisode du Mangin Palace. Alors, comme l'exige notre malicieuse liturgie, et tu les entends derrière moi, les cloches nous annoncent l'arrivée imminente de notre traditionnelle petite messe freudienne en compagnie de Monsieur Divan Beaujolais, le fieffé sacripant de nos coursives, avec qui nous te proposons ce matin de voyager d'une rive à l'autre, autrement dit, de franchir cet étrange océan qui sépare l'autosatisfaction de la colère en progression. Allez, en route maestro, tends bien l'oreille, ainsi soit-il. Jean-François Copé, président du groupe UMP à l'Assemblée nationale, député maire de Meaux en Seine-et-Marne, est notre invité. Quel bilan d'étape faites-vous de 2 ans de présidence Nicolas Sarkozy ? Zoltan ! Ce que je constate, c'est qu'en 2 ans, on a déjà fait énormément de choses dans tous les domaines. Ouais, et moi, j'ai pissé sur le voisin et j'ai fait exploser des grenouilles. Je ne connais pas de domaine dans lequel on n'ait pas assumé qu'il fallait faire bouger les choses et commencer à prendre un certain nombre de décisions. Mon Dieu, c'est quoi ce délire ? Je vais vous dire, le grand mérite que notre famille politique doit à Nicolas Sarkozy... C'est un très bon ami à moi, il m'aime beaucoup. C'est d'avoir permis que nous soyons décomplexés. J'avais un voisin qui faisait des sculptures à la tronçonneuse. Sortez-moi de ce traquenard. Je peux pas. J'ai l'honneur et l'avantage d'annoncer la venue de notre sage et omnipotent leader, Zoltan. Mes chers amis, je ne suis pas venu ce soir vous parler de bilan. Et vous, personnellement, vous y croyez ? Depuis 2 ans, la France a eu le courage de se réformer. Depuis 2 ans, la France a bousculé les conservatismes. T'es un crevard ! C'est qu'un début. Si la Géorgie n'a pas été rayée de la carte... Tu devrais prendre un tranquillisant. Si un cessez-le-feu un peu a pu intervenir à Gaza... Heureusement que je suis là. Si l'Europe n'a pas cédé au chacun pour soi quand le système bancaire a menacé de s'effondrer... Je dois avouer... À un moment, j'ai cru que vous me cachiez quelque chose. La crise de l'université. Écoutez cette rumeur, ce brouhaha, cette foule haletante. Et ici même en studio, Isabelle Thys-Saint-Jean, bonjour. Vous êtes la présidente du collectif Sauvons la Recherche. On vous a reçu à ce même micro il y a 14 semaines. 14 semaines après... Quel est votre état d'esprit ce matin ? Là, je ne lâche pas, j'irai jusqu'au bout. La colère est absolument intacte. Ce qu'on fait aux universités françaises est absolument scandaleux. Ce qu'on fait à la recherche publique française est absolument scandaleux. Les petites avancées du gouvernement sont très, très maigres. Valérie Pécresse s'est montrée d'une intransigeance, d'un refus de dialogue, de manière à montrer que non, il ne céderait pas face à cette chienlit, pour reprendre un terme bien connu. Alors, général, qu'avez-vous à nous dire ? Ton attitude, j'en ai peur, ne va pas te rendre la vie facile. Bonjour François Bayrou. Bonjour. Votre livre, c'est d'une certaine manière le bilan de 2 années de présidence de Nicolas Sarkozy, à la fois du point de vue des réformes, des valeurs, des méthodes. Plus qu'un échec, vous y voyez un danger pour la France. Ce modèle vient de montrer son échec absolu dans le monde en détruisant des centaines de millions d'emplois, en précarisant ceux qui étaient au bas de l'échelle, en effondrant la situation des classes moyennes. Toi, t'as pas intérêt à virer communiste parce que... Faut se méfier des apparences. Tout le monde évolue. Plutôt vers la gauche. Parce que vous êtes obnubilé par gauche-droite. Excusez-moi de dire. Oui, enfin, c'est pas parce que le centre est votre parti qu'il n'y a pas de gauche et de droite. Si j'ai évolué en disant ce qui, hier, paraissait compatible avec ma vision du monde, ne l'est plus aujourd'hui. C'est bien de pouvoir subvenir à ses besoins de cette manière, en bricolant à droite, à gauche. Certes, depuis plusieurs mois, et avec un certain courage, François Bayrou tente de s'imposer comme l'unique figure de l'opposition face à l'omnipotence de la présidence Sarkozy. Seulement, vois-tu, pour l'instant, le gouvernement ne considère pas le député béarnais comme son ennemi prioritaire. Non, c'est un autre danger endogène qui guette aujourd'hui la maison UMP. Et d'ailleurs, mercredi dernier, à la fin du Conseil des ministres, François Fillon a fait part de cette rumeur qui enfle et il a même tenté d'éclaircir le mystère de cet étrange chevalier solitaire. Tenter d'éclaircir le mystère du chevalier de Provence. Chevalier de Provence ? C'est qui celui-là ? Personne n'est au courant ? Si, j'en ai entendu parler, moi. Mais vous croyez que c'est vrai, cette histoire ? Franchement, ça m'a tout l'air d'un bruit qui court. Alors là, permettez-moi de vous dire, le coup du mystérieux chevalier gaulois solitaire à la rescousse de l'opprimé, ça fait vraiment bidon comme légende. Ça vous agace, ça, hein ? Quoi donc ? Un chevalier solitaire dont tout le monde parle et qui s'appelle pas... Dont tout le monde parle ? Ah non, s'il vous plaît. C'est vrai qu'on commence effectivement à beaucoup en entendre parler. Mais on en entend parler dans les tavernes ivrognes, voilà. Ah bon ? Moi, je passe pas mal de temps à la taverne, j'ai jamais entendu parler de celui-là. Hein. Bon. Même si Jean-Louis Borloo n'en a pas entendu parler dans les tavernes, qui peut bien se cacher, bon sang, derrière cet intrigant chevalier gaulois, voire gaulliste ? Eh bien, figure-toi que tout a commencé il y a quelques mois, quai Voltaire à Paris. Ainsi, à la nuit tombée, un soir de février sous la pluie, président Chirac a reçu chez lui un étrange visiteur, que la loi lui interdit d'ailleurs de fréquenter, mais avec qui président Chirac voulait absolument s'entretenir afin d'essayer de le remotiver pour un ultime combat politique. On a eu le plus grand titre qui soit, on a été champion du monde. Et t'as perdu ton combat pour tout un tas de mauvaises raisons. T'étais ailleurs. T'avais pas l'air d'en vouloir. Mais pendant notre combat, nous deux, tu avais l'œil du tigre. Tu en voulais ce soir-là. Il faut que tu retrouves ça maintenant. Et la seule façon, c'est de recommencer au commencement. Tu vois ce que je veux dire ? Je pense qu'on peut retrouver ça en bossant tous les deux. L'œil du tigre, mec. Pourquoi t'es venu me chercher ? J'ai mon plan. J'ai envie que tu redeviennes toi-même. Vas-y, tu m'intéresses. C'est toi qui m'intéresses. Mais qui peut bien avoir l'œil du tigre dans l'entourage du vieux lion corrézien ? Toujours est-il que ce grognard a immédiatement été séduit par la proposition de son mentor, à savoir semer la zone dans l'entreprise de Nicolas Sarkozy, leur pire ennemi commun. Résultat, très vite, cet étrange mercenaire chiracien s'est répandu dans tout Paris pour offrir une analyse critique très fine sur la réalité de l'exercice du pouvoir aujourd'hui. La cour de l'Ancien Régime, c'est une cour voulue par le monarque. Et c'est une cour institutionnalisée pour apprivoiser les grands. La cour après l'Ancien Régime et qui passe le cap de la Révolution, c'est un esprit de cour. Et ce virus-là, l'esprit de cour, est infiniment plus dramatique, infiniment plus dangereux que la cour elle-même. Parce que la cour, elle est géographiquement localisable à Versailles. Vous la maîtrisez, vous la cantonnez. Vous savez, c'est pas quand vous êtes entouré de béni oui-oui, de sire-pompe et de courtisans que vous faites avancer un pays. Je suis l'homme qui dans Paris, j'ai ma vie entre les mains. Et si je prends des risques, ça n'est jamais en vain. Assurément, Nicolas Sarkozy a dézingué le Parti Socialiste pour un bon moment. Mais le voilà désormais confronté à l'homme qui tombe à pic. Un ennemi qui inquiète avant tout Claude Guéant, le secrétaire général de l'Élysée. D'ailleurs, depuis plusieurs semaines, M. Guéant tente de convaincre son patron, M. Sarkozy, de réfléchir à la manière de contrer rapidement ce chevalier solitaire. Ça fait du bien de réfléchir. Non, ça fait pas du bien de réfléchir. Oh, patron, vous pouvez pas dire ça. La réflexion, patron. Remettre les choses en place, faire le tri, peser le pour et le contre. Ouais, j'appelle ça enculer les mouches, moi. Ah oui, c'est vrai que vous appelez ça comme ça, vous. Ben ouais. Ouais, si tu te mets à penser à tout, il y a toujours moyen de trouver quelque chose qui va pas. Alors, on s'en sort plus ? Oui, pour Nicolas Sarkozy, c'est agir qui compte. À réfléchir, on s'en fout. D'autant plus qu'à ses yeux, ce mystérieux chevalier n'est qu'un illuminé supplémentaire qui va disparaître aussi vite qu'il est apparu. Sauf que non, puisqu'il y a quelques jours, le preux chevalier s'est infiltré masqué dans les alcôves de l'Élysée pour transmettre un message à Carla, sur qui il est tombé nez à nez. Qui êtes-vous ? Qui ? qui n'est autre que la forme qui résulte de la fonction de qu'est-ce que, et ce que je suis, c'est un homme sous un masque. Ça, je le vois. De toute évidence. Je ne mets pas en doute ton sens de l'observation, je ne fais que mettre en exergue le paradoxe qui est de demander à un homme masqué qui il est. Oh. Voilà! Vois en moi l'image d'un humble vétéran de votre ville, distribué vicieusement dans les rôles de victime et de vilain par les vicissitudes de la vie. Ce visage, plus qu'un vil vernis de vanité, est un vestige de la vox populi aujourd'hui vacante, évanouie. Cependant, cette vaillante visite d'une vexation passée se retrouve vivifiée et a fait vœu de vaincre cette vénale et virulente vermine vantant le vice et versant dans la vicieusement violente et vorace violation de la pollution. Un seul verdict, la vengeance, une vendetta, telle une offrande votive, mais pas en vain, car sa valeur et sa véracité viendront un jour faire valoir le vigilant et le vertueux. En vérité, ce velouté de verbiage vire vraiment au verbeux, alors laisse-moi simplement ajouter que c'est un véritable honneur que de te rencontrer. Appelle-moi V. La lettre V ? Mais qui peut bien se cacher derrière ce masque de justicier ? Cela dit, Carla fut effrayée par l'intrusion nocturne de ce renard argenté qui, visiblement, veut absolument se venger. Et, depuis cet épisode, forcément, l'inquiétude de Nicolas Sarkozy n'est plus tout à fait la même. D'autant que le mystérieux chevalier a décidé, dans la foulée, de fomenter une révolte populaire, dis donc. Il y a une forte colère qui s'exprime dans notre pays. Oui, il y a un risque révolutionnaire en France. Un risque révolutionnaire, vous dites ? Il y a un risque révolutionnaire en France. Pourquoi ? Parce que les fermetures d'usines. Tout éclate, tout explose. Parce que l'augmentation du nombre de chômeurs. Tout éclate, tout explose. L'inégalité de mobilisation, sentiment que l'on se mobilise beaucoup pour les banques, que l'on se mobilise beaucoup pour aider les entreprises, mais que les salariés, eux, font les frais de la crise, que ce sont toujours les mêmes qui souffrent. Cela doit être pris en compte si l'on veut apporter des réponses justes. Alors là, aux yeux de l'Élysée, ce genre de discours est immédiatement à classer au rayon de l'ultra-gauche terroriste. À tel point que Michel Alliomarie a même cru, dis donc, que c'était Julien Coupa, le chevalier mystère. Là. Mais non, madame, puisque M. Coupa est en prison depuis des mois sans raison. Cela dit, très vite, M. Sarkozy a ordonné à sa ministre de l'Intérieur de se lancer aux trousses de cet insolent justicier masqué qui se fait appeler V. Aussitôt, Alliomarie a alors lancé son célèbre plan d'action anti-gauchiste. Nous faisons appel à tous les citoyens pour nous aider à le trouver. Que chacun se tienne sur le pas de sa porte. Écoutez et regardez. Le criminel est seul et à pied. Que chacun se tienne sur le pas de sa porte. Écoutez et regardez. Le criminel est seul hier soir, et à pied. Traqué par les forces de l'ordre, V s'est alors réfugié quai Voltaire chez président Chirac, son mentor. Mais le justicier masqué était excédé. Il voulait immédiatement en découdre avec ses ennemis. C'est alors que le vieux lion de Corrèze a tenté de calmer son impétueux poulain. Car pour l'instant, la première phase de la mission est terminée. La suite, au prochain épisode, bien sûr. Cette mission est terminée. Regarde ces types dehors. Regarde-les bien. Si tu n'arrêtes pas maintenant, ils vont te tuer. C'est ça que tu veux. C'est terminé. Rien n'est terminé. Rien. Tout continue à cause de vous. C'était pas ma guerre. C'est vous qui m'avez appelé, pas moi. J'ai fait ce qu'il fallait pour gagner, mais on n'a pas voulu nous laisser gagner. Et je suis revenu dans le monde. J'ai vu ces larves m'attendre à l'aéroport, me conspuer comme un criminel. Ils m'ont traité toutes les saloperies, ils m'ont appelé le boucher. Qui sont-ils pour me faire des prochains? Qui sont-ils? Est-ce qu'ils étaient à ma place, en pleine jungle? Ils nous jugent, ça fait qu'ils parlent. C'est un moment dur pour tout le monde. Tout ça, c'est du passé, maintenant. Pour vous? Pour moi, la vie civile, c'est rien. Au combat, on avait un code d'honneur. Tu couvres mes arrières, je couvre les tiens. Mais ici, y a plus rien. Tu es le dernier d'un groupe d'élite. Ne finis pas comme ça. Closed my door, forgot my key. Missed my bus in the pouring rain. It's been the usual Sunday with the flu. And I just can't get over you. Burnt my toast and lost your number. Cut my finger, spilled my beer. It's been the usual Sunday with the flu. And I just can't get over you. put your stockings in my purple boots. What if I don't get over you? Had a chat and left my hat, ate my dog and walked my cat. It's been the usual Sunday with the flu, and I just can't get over you. I put your stockings in my purple boots. What if I don't get over you? Stockings in my purple boots. What if I don't get over you? Cold the cabbage, threw the garbage, asked for help and got some help. It's been the usual Sunday with the flu, and I just can't get over you. I put your stockings in my purple boots. Sunday with a flu. Autrement dit, le dimanche avec une grippe, dis donc. C'est l'incubation un brin provoque ce matin de l'artiste Yodelis. Mais bon, rassure-toi car les virus de la panique, en ce jour du Seigneur, ne s'attaquent qu'à la bêtise. Pourquoi parler de milliards quand on pourrait amasser... des millions? Un milliard vaut plus qu'un million, tête de burne. Alors maintenant, après avoir découvert la rébellion du chevalier solitaire, dont nous suivrons bien sûr les prochaines aventures, la panique au Mangin Palace ouvre dès à présent sa curieuse séquence consacrée aux informations du lointain. Avant tout, sais-tu qu'en 1901, le préfet de police à Paname instaura un concours qui porte son nom, le concours Lépine, chargé de promouvoir l'énergie créatrice des inventeurs de tout poil. Et hier, au cœur de la foire de Paris, ont été décernées les médailles, couronnant les concepteurs de bidules, parfois complètement farfelus. D'ailleurs, cette semaine, au cœur des sous-sols obscurs et sinueux de l'INA, les voix des fantômes de la radio française ont été fort intrigués par cette tradition centenaire sous le regard pénétrant de notre Bernard l'ermite planqué dans sa boîte d'archives. Tend bien l'oreille et découvre ainsi la vie parallèle de l'Institut National de l'Audiovisuel. Des révélations, des hypothèses. Un Bernard l'ermite. Qui demande la parole? Cette semaine, à l'INA, on était ultra sécurisés. Vendredi soir, quelques originaux avaient organisé la nuit Lépine dans nos locaux. Du coup, plan Vigipirate oblige, les visiteurs étaient contrôlés. Et comme on était quand même à l'INA, fouille au corps et cours d'histoire étaient mêlés. Pourquoi Lépine? Parce que le créateur du concours fut le populaire préfet de police parisien Louis Lépine, qui avait exposé lui-même une de ses inventions. Et quelle invention? Le bâton blanc des agents de police de Paris. Fait en souvenir du bâton blanc, la première invention avait un succès fou. Vous voyez, c'est un distributeur automatique de cigarettes donnant les cigarettes toutes allumées. Vous tournez de la main, la cigarette tombe dans un espèce de petit entonnoir à son pied. Vous n'avez plus qu'à appuyer sur le bouton pour que la cigarette s'allume et la portée directement à vos lèvres. Heureusement, pour faire respecter la loi anti-tabac, des tireurs d'élite étaient là, comme un hommage au préfet Lépine. Le grand apport de Lépine, quand même, c'est dans le domaine du maintien de l'ordre. Lépine, comme vous l'avez dit, est un homme d'ordre. Il veut l'ordre dans la rue. Il ne supporte pas plus les manifestations de la CGT que celles des cléricaux ou des nationalistes ou des camelots du roi. Et il va, si vous voulez, et ça je crois que c'est vraiment l'apport de Lépine, initier, si vous me permettez ce néologisme, une pratique républicaine du maintien de l'ordre. C'est-à-dire un maintien de l'ordre qui concilie efficacité, qui reste violent, hein, ne nous leurrons pas, mais qui ne tue plus. Et dans cet esprit bon enfant, Monsieur Jean avait justement inventé un coffre-fort révolutionnaire. Vous avez aussi des jets lacrymogènes. Eh bien, quand ils ouvrent, il y a un jet lacrymogène collant, séchant de suite qui lance des confettis imprimés marqués voleur, et d'autre part des petites plumes. Alors le voleur, le cambrioleur est marqué, et la police les reconnaît de suite, même dans la rue, le public les reconnaît. Tout le monde était interloqué. D'où sortait-il une telle idée ? Ça, c'était une invention que j'ai faite en ayant 42 fièvres, car un des facteurs les plus puissants de l'invention que j'ai rencontré dans mon existence d'inventeur, j'ai fait des centaines d'inventions, c'est la fièvre, parce que d'abord, il y a l'approche de la mort possible, très rapide. Eh bien, quand on a de la fièvre, on a cette sensation. J'ai fait mes deux plus grandes découvertes à plus de 39,5-42 fièvres. Et surtout, ce qui est très bon aussi, c'est les voyages en train. Des voyages qui vous secouent. Ça secoue le crâne, et le crâne, quand il est secoué, c'est un catalyseur. C'est bien meilleur que toutes les drogues, et que tous les cafés, toutes les toxines, le tabac, etc. Et par malchance, l'invention suivante était un colis suspect. Et cette valise qui est à terre, monsieur ? Cette valise, elle est conçue spécialement pour les transporteurs de fonds ou alors pour des documents secrets. Le principe est extrêmement simple, je ne le divulgue pas ici. La personne qui transporte, par exemple, les fonds, la tient dans la main. Il suffit qu'on lui arrache les mains pour que les explosions... En entendant le mot « explosion », les démineurs étaient entrés en action. Alors on est parti en courant. Le gros qui se barre avec le pull bleu, là. Puis, bon, tant pis. La police, c'est trop ingrat comme métier. C'est vrai, c'est ingrat, la police. Parce que, par exemple, parce que je vois, parce que les gens, ils nous aiment pas. C'est con, hein, parce que nous, on est là pour les protéger, hein. Eh ben, j'ai remarqué, les gens, plus il y a de flics autour d'eux, plus ils ont peur. Ça, c'est bien vrai. Et merci beaucoup, Flora Bernard, pour cette expertise inattendue et pleine d'inventions policières au cœur de l'INA. Mais bon, sans vraiment quitter l'épine, passons dès à présent à nos actualités locales, car voici donc notre décrochage régional, direction Grosboul-les-Bains. Monique est amnésique. Monique. Comment vous appelez-vous, vous ? Jean-Claude. Ça vous va, c'est fou. Alors maintenant, comme à son habitude, le Mangin Palace dirige ses lorgnettes sur notre petit village fleuri où nous attendent nos deux héros printaniers, Jean-Claude, le baba, et Monique, la cool attitude. Car vois-tu, face à la guerre de récession qui dure désormais depuis des mois, Jean-Claude a offert à Monique un constat sévère sur la situation financière du moment. Pas de boulot, pas de diplôme, partout la même odeur de zone, plus rien n'agite tes neurones. Pas même le shit que tu mets dans tes cônes. Va voir ailleurs, rien ne te retient. Va vite faire quelque chose de tes mains. Ne te retourne pas ici, tu n'as rien. Et sois le premier à chanter ce refrain. C'est l'hymne de nos campagnes, de nos rivières, de nos montagnes, de la vie manne, du monde animal. Crie le bien fort, use tes cordes vocales. Hey. Et c'est Monique qui s'use les cordes vocales quand Jean-Claude lui annonce sa dernière trouvaille. Tout vendre pour tout quitter et partir s'installer à la campagne. Bref, Jean-Claude veut fuir la société de consommation et retrouver ce qui lui semble être la seule vraie valeur, la ruralité. Monique est horrifiée à l'idée de quitter Grosboul-les-Bains pour aller élever des chèvres en Lozère ou bien cultiver des rutabagas dans le Larzac. Mais, très vite, Jean-Claude la rassure, car le petit coin qu'il a déniché sera un véritable havre de bonheur. C'est un trou de verdure où chante une rivière, accrochant follement aux herbes des haillons d'argent, où le soleil de la montagne fière luit. C'est un petit val qui mousse de rayons. Alors, toujours prête à courir l'aventure par mont et par veau, Monique a donc décidé de suivre son Jean-Claude dans cette folle tocade, à savoir tout quitter pour s'installer à la campagne, un vrai retour à la terre tendance babos, avec comme objectif fantasmé l'autoproduction. Mais bon, Jean-Claude est vite confronté à la dure réalité des agriculteurs. J'ai malheureusement pas d'argent en ce moment, mais on partagera ma première récolte. Oh, nous ne faisons de crédit qu'aux quelques fermiers que nous connaissons bien. Nous avons une bonne raison, bien sûr. Enfin, on a besoin d'argent pour payer ce qu'on revend, sinon il faudrait fermer. Oui, je sais, j'aimerais aussi payer comptant. Et je peux vous dire que c'est ce que je ferai quand j'aurai vendu cette première récolte. Vous savez combien de familles ont voulu s'installer ici? Puis elles ont commencé à semer en commandant plus qu'elles ne pouvaient payer. Elles ont préféré partir au milieu de la nuit. J'ai un tiroir qui regorge de factures. Madame Olson, je vous assure que je n'ai pas l'intention de partir au milieu de la nuit. Merci. Enfin, il n'y a aucun autre moyen de... Je comprends. Oui. L'installation de Jean-Claude comme paysan dans la prairie s'annonce assez compliquée. Quelque peu dépité par la méfiance que suscite son arrivée chez les ruraux, Jean-Claude ne sait pas comment s'y prendre pour se faire accepter. Excepté par le maire du village, qui lui donne d'ailleurs quelques tuyaux pour une meilleure intégration. Le café du petit village y joue un rôle capital. Il est le rendez-vous de tous ces paysans qui s'ennuient à mourir chez eux. À la tombée du jour, ils viennent là s'asseoir et les voilà bientôt groupés, quatre par quatre, autour d'une manille ou bien d'une belote. À regarder d'un peu plus près leur visage, croirait-on que ces hommes sont en train de vivre l'heure la plus agréable de leur journée? On les dirait fâchés ensemble, il n'en est rien. Et ce ne sont pas des gens qui ne se parlent pas, non, non. Ce sont des gens qui ne se parlent plus, depuis déjà longtemps, parce qu'ils se sont tout dit. Le café du petit village joue donc un rôle capital, ce qui n'est pas pour déplaire aux Jean-Claude, qui s'installe donc fissa au comptoir. Quelques verres aidant, et dans la joie et la bonne humeur, Jean-Claude réussit ainsi à lier contact avec l'autochtone, très loquace quand il s'agit d'anecdotes rurales. Ça, c'est un maïs extraordinaire. Je le cultive moi-même parce que c'est le plat que je préfère. J'aurais dû apporter le concombre que j'ai récolté dans le potager hier soir. Devinez la taille qu'il a. Je sais pas. Il a plus de 30 cm de longueur. Pas possible. Mais si c'est moi qui l'ai mesuré, encore mieux, il a 28 cm de tour. Je crois que j'en avais jamais encore vu un pareil. Puisque vous n'avez pas l'air de me croire, je vous le montrerai demain et vous serez épaté. J'attendrai de voir son concombre pour être convaincu. Belle bête. Jean-Claude est pressé de découvrir ce précieux concombre et sans doute plus encore d'en posséder un lui aussi de cet acabit. Ainsi, le soir, de retour auprès de sa belle fermière, Jean-Claude raconte à Monique combien ses contacts avec les villageois ont été riches de découvertes. Rien de ce qu'on m'avait raconté n'est vrai. Ces gens ne sont ni mendiants ni voleurs, ils n'ont rien des croque-mitaines qu'on en a fait. Ce sont au contraire des hôtes courtois qui possèdent un humour familier très agréable. Mais la vraie communication reste lente et le plus calme en est aussi frustré que moi. La plupart de nos progrès reposent plutôt sur une succession d'échecs que de réussites. Une chose est sûre, en tout cas, il n'y a pas de bison et cela les inquiète énormément. La rencontre d'hier a été la meilleure à ce jour. Apparemment, je suis invité au village. Je suis impatient d'y aller. Oui, Jean-Claude est invité au village. Mais tant qu'il confondra les bisons avec les Primolstein, il est peu probable que son intégration soit totale. Pourtant, Jean-Claude fait tout son possible pour s'adapter à cette petite communauté villageoise et c'est accompagné de Monique et de leurs mômes, Rémi et Elsa, que Jean-Claude se rend au troquet du village pour expliquer sa situation. J'ai labouré, j'ai semé, j'ai coupé le grain, j'ai pétri le pain. Et pourtant, nous n'avons toujours rien à manger. Du pain, vous n'avez que ce mot-là à la bouche. La terre appartient à celui qui la possède. Non, à celui qui la travaille. Que tu sois vigneron, que tu sois laboureur, tu peux dresser la tête et te sentir vainqueur. Le paysan de France n'aura plus de patron. Alors, qu'est-ce que t'en penses? Bien, c'est vraiment bien. Et puis, alors, la fin, c'est fort, quoi. Mmh. Non, ça laisse songeur. Mmh. Et tu vas voir l'impact sur les paysans. Tu seras étonné toi-même. C'est la première fois qu'on leur parle de leurs vrais problèmes, des choses qui les concernent. Non, c'est vrai. Jean-Claude comprend alors que tous les villageois sont plutôt bienveillants face à ce citadin qui cherche à devenir agriculteur. Mais il comprend aussi que l'on ne s'improvise pas fermier, car c'est un métier. Alors, adieu veaux, vaches, cochons, Jean-Claude décide qu'il est temps de rentrer à Grosboule. Mais de cette aventure, il en a tiré une morale. Le laboureur et ses enfants. Bon, eh ben voilà. Eh ben le résultat, voilà. C'est des gamins qui n'ont pas poussé. Travaillez, prenez de la peine. C'est le fond qui manque le moins. Un riche laboureur, sentant sa mort prochaine, fit venir ses enfants, leur parla sans témoin. Ah, mon temps de dire. On a tiré le gros lot, nous. Gardez-vous, leur dit-il, de vendre l'héritage que nous a laissé nos parents. Un trésor est caché dedans. Je ne sais pas l'endroit, mais un peu de courage vous le fera trouver. C'est ni fait ni ça. Vous en viendrez à bout. Remuez votre champ dès qu'on l'aura fait, loup. Creusez, fouillez, pêchez. Ne laissez nulle place où la main ne passe et repasse. Bon. Bon. Zut alors, hein. Hein. Voilà. Voilà. Bon. Le père mort, les fils vous retournent le champ. Ils sont vilains, ils sont rabougris. C'est pas beau. Ils sont tout petits, ils sont tout vieux. Qu'est-ce que vous faites avec ça? Ils ont pas grandi. De ça, de là, partout. Si bien qu'au bout de l'an, il en rapporta davantage. D'argent, point de cachet. Mais le père fut sage de leur montrer, avant sa mort, que le travail est un trésor. Bon, ça suffit, ça va, hein, ça m'énerve. Vous restez à la maison, maman et moi on va faire le marché pour l'apéritif. Ah ben bon. Bien, alors maintenant, après avoir découvert que le désir de ruralité du Jean-Claude n'avait que pour seul objectif de dénicher le trésor du laboureur, il est temps désormais de retrouver notre petit reportage Made in Panic, consacré évidemment cette semaine aux deux années que nous venons de vivre sous la présidence de Nicolas Sarkozy, puisque ce fut le 6 mai 2007 qu'il fut élu. Allez, faut s'y faire. Non, je n'ai pas dit « vos s'y faire », j'ai dit « faut s'y faire ». Attention, hein. Bon, et pour évoquer ce joyeux anniversaire, notre facétieux reporter, monsieur Julien Dugast, est allé tendre son micro, au hasard, à monsieur Laurent Geoffrin, le patron du quotidien Libération, le journal de l'opposition, avec qui Nicolas Sarkozy entretient des rapports, il est vrai, très particuliers, voire exclusifs. Et c'est uniquement la raison pour laquelle notre reporter est allé rendre visite à monsieur Geoffrin. Ainsi, chers amis, juste après la virgule, découvrons l'essence des relations qu'ont développé ces deux hommes depuis 2 ans. Seigneur, tu as mis au monde beaucoup, beaucoup trop de pauvres gens. Mais s'il n'y a pas de honte à être pauvre, il n'y a pas de quoi en être fier non plus. Quel mal y aurait-il si j'avais une petite, petite fortune? Et c'est Nicolas Sarkozy qui, en mercredi, fêtera ses 2 ans de l'arrivée à l'Élysée. Voilà, et le journal Libération se demande comment le battre. Libération estime qu'à quelques jours du 2e anniversaire de son élection, le président français prépare déjà sa réélection. Et s'il demeure impopulaire, nous dit le journal, une très large majorité de Français estime que personne ne ferait mieux que lui actuellement. Est-ce que déjà vous avez envie de souffler ces deux bougies? Non, pas vraiment. Libération n'a pas fait de numéro spécial. On a fait un numéro spécial pour montrer comment il pourrait ne pas être réélu. C'est désagréable, mais on s'est tourné vers l'avenir. Donc on a essayé de réfléchir à l'après Sarkozy. Mais l'anniversaire, on ne l'a pas fêté. Mais est-ce qu'il y a grand-chose à fêter? C'est ça la question. D'ailleurs, lui-même ne souhaite pas que ça soit fêté. Donc, ils ont fait une réunion d'adulation, là, mais il n'était pas là. Donc ils ont tous tendu les mains vers un personnage absent, un peu comme la présence réelle dans les églises. Si on vous pose la question, c'est quoi la grande réforme Sarkozy, ou les deux grandes réformes Sarkozy? Il y a un blanc. Il y a plein de réformes qui ont été lancées, d'autres, certaines vraies, d'autres moins, un peu plus factices, d'autres contestables, d'autres qui sont tout à fait bien. Mais les grandes, putain, en Mitterrand, il a nationalisé tout, bien ou mal. Et puis, il y a l'abolition de la peine de mort, ou les radios libres, etc. Même Chirac, on dira, il a aboli le service militaire, et puis il s'est prononcé contre la guerre d'Irak. Deux grands gestes. Sarkozy, on cherche. Comme il fait tout, on finit par tout brouiller. Je veux être clair. Le respect des libertés individuelles doit aussi être garanti dans le secret du cabinet des juges d'instruction. La scène originelle, c'est la scène du Fouquet, où on fête l'élection du président de la République, hein, pas de président d'une banque, président de la République, avec qui? Avec les grands patrons. Comment peut-on reprocher à un président d'avoir une Rolex? Une Rolex, enfin, que tout le monde a une Rolex. Hein. Manifestement, pour Nicolas Sarkozy, la réussite, elle est financière. Monsieur Geoffrin. Monsieur le Président. Monsieur Geoffrin. Laurent Geoffrin de Libération. Non, c'est d'abord Monsieur Geoffrin. Je vous en prie. Merci, Monsieur le Président. Ce sont des rapports francs, mais virils. Vous occupez de manière fréquente, si l'on continue la scène médiatique, vous êtes à l'origine de la plupart, sinon la totalité des initiatives gouvernementales. Évidemment, la question que j'avais posée, qui est parfaitement banale en Angleterre ou en Allemagne ou en Italie, voilà, au milieu de l'Elysée, ça faisait... c'est comme un paix dans une messe, quoi. C'est pas du tout ça. Et donc, là, donc ça fait 11 minutes de réponse, avec mettant les rieurs de son côté, et répondant à côté, d'ailleurs, avec des choses fausses, ça arrive souvent. Et alors que la question, évidemment, est évidente. Enfin, évidemment qu'il y a un problème de concentration de pouvoir en France, et donc utiliser ce terme de monarchie élective n'est pas très surprenant. Là. Voici une question modérée, qui montre que M. Geoffrin de Libération est en pleine forme. Est-ce qu'un président comme Sarkozy, quand on est le quotidien de l'opposition, est-ce que c'est pas tous les jours la fête, du coup? Au début, oui. Sarkozy agit tout le temps. Donc on en parle et on finit par lasser. J'en ai encore Sarkozy, mais il y en a marre. Mais c'est un danger, ça. C'est un danger d'overdose sarkozyenne. Certes, il faut être vigilant quant à l'overdose sarkozyenne dans les médias. Et en même temps, c'est vrai qu'il est tellement bon client, celui-là. Enfin bon, par ailleurs, profitons de cet anniversaire, justement, pour reconnaître que nous sommes ici régulièrement critiques à l'égard des décisions du président de la République. Parfois même, nous sommes de mauvaise foi. Mais vois-tu, ce matin, toujours à l'occasion de cet anniversaire, nous avons décidé d'offrir généreusement à Nicolas Sarkozy un autre point de vue que celui du patron de Libération sur le bilan de cette première partie du mandat présidentiel. Alors, voici maintenant la vision d'un homme proche du président et qui a légitimement le droit de s'exprimer ici ce matin. Donc pour vous, tout est positif depuis 2 ans. Bah attends, mais il n'y a pas que moi qui le dis, Sarkozy, il est tellement fort que l'Europe l'a mis président aussi. Tu te rappelles pas peut-être? Si, mais c'était prévu ça. Attends, il a commandé les Allemands, les Espagnols, les Chinois, tout le monde écoutait. Et comme par hasard, quand il est parti, il y a eu la crise mondiale et financière. Et Obama a dû venir en France pour le supplier de revenir. Mais Sarkozy n'a pas voulu à cause de Carla. Elle ne voulait pas vivre aux États-Unis parce qu'elle parle que l'italien et pas l'américain. Et tout ça en 2 ans seulement, à peine 18 mois. Ah ouais, ah ouais, ah bah ouais, ah ouais, ah ouais. Oui, c'est rassurant, dans la France d'après, il y a toujours le Stevie d'avant. Cécilia voudra que Ségolène lâche l'affaire et laisse Nicolas à ses affaires. Mais ce qu'elle ne sait pas, c'est que François ne l'entend pas comme ça. Ségolène se voit déjà la reine, une jolie femme à la tête de l'État. Faut un peu plus pour maîtriser les rênes qu'un beau tailleur ou qu'un joli minois. Nicolas, lui, fait toujours des siennes. À coups de masse, il remanie l'acquis. Toute la crasse des banlieues parisiennes. Au jeu de haine, il nettoie vos soucis. Monsieur Jacques est à 4 comptables. Nicolas, rentre à la police. Mon Lionel, on n'a plus ton portable. Ségolène, où sont les socialistes? Quant au programme, faudrait qu'on en discute. Il est pas large, mais faut pas qu'on se dispute. Il y en a pour tous, mais attention la chute. Concentre-toi et attache bien ton fut. Pour les Français, il y aura du boulot. Les sans-papiers, un voyage en cargo. Pour les barbus, interdit de métro. Pour les négros, un blanchiment de peau. Pour ton salaire, tu pratiqueras la 16. Tel un fakir, tu défieras la braise. Ta retraite, va voir le père Lachaise. Tes droits sociaux, vaut mieux que je me taise. Monsieur Jacques est à 4 comptables. Nicolas, rentre à la police. Mon Lionel, on n'a plus ton portable. Ségolène, où sont les socialistes? Tu te souviens, c'était il y a 5 ans. Le petit Lionel voulait devenir grand. C'était grandiose, c'était même touchant. Le vieux Jaco, lui, s'aiguisait les dents. Un beau braquage à 82%. Un coup de maître, je suis même tombé dedans. Faut pas que je pleure, quand même le procureur n'y pourra rien, lui aussi il fait son beurre. Si ça t'écœure, dis-toi que je suis menteur. Ferme les yeux et surtout serre les dents. Monsieur Jacques est à 4 comptables. Nicolas, rentre à la police. mon Lionel, on a plus ton portable. Ségolène, où sont les socialistes? La morale, bah il manquerait plus que ça. Faudrait que je te dise ce que moi-même je ne sais pas. De La Fontaine, je crois qu'il a déjà fait ça. Allons le lire, peut-être que ça nous détendra. Ah oui, sinon, je vous dis à la prochaine. Avec d'autres noms, mais avec la même rengaine. Le bon, la brute, les bouffons, la jouvencelle. Des portes ouvertes à défoncer sans que ça nous gêne. Monsieur Jacques est un mauvais comptable. Nicolas, rends-toi à la police. Mon Lionel, on n'a plus ton portable. Ségolène, où sont les socialistes? Monsieur Jacques est un piètre comptable. Nicolas, rends-toi à la police. Mon Lionel, on n'a plus ton portable. Ségolène, où sont les socialistes? Monsieur Jacques est un piètre comptable. Nicolas, rends-toi à la police. Mon Lionel, on n'a plus ton portable. Ségolène, où sont les socialistes? Monsieur Jacques est un piètre comptable. Nicolas, rends-toi à la police. Mon Lionel, on n'a plus ton portable. Ségolène, où sont les socialistes? Monsieur Jacques, oh Nicolas, oh Ségolène, oh mon Lionel, Monsieur Jacques, oh Nicolas, Ségolène, oh mon Lionel, oh Mr. Prime Minister, don't wanna see you any longer. You're trying to fool and jester. You are the Prime Minister. And Mr. Prime Minister, don't wanna see you any longer. You're trying to fool and jester. Ségolène et Nicolas, une fable de Monsieur Khalifa, écrite pendant la campagne des élections présidentielles. Et encore une fois, souviens-toi, c'était il y a tout juste 2 ans, une éternité. C'était dans la France d'avant. Si les Français doutent parfois d'eux-mêmes, qu'ils écoutent la rumeur qui monte des 4 coins de la planète. Partout où l'on se bat pour l'indépendance nationale, pour le droit d'un peuple à disposer de lui-même, pour l'avènement des pays pauvres au partage des richesses, pour la liberté de penser, pour l'égalité des droits, c'est le message de la Révolution française qu'on entend. Oh, c'est classe. Bon, alors maintenant, pour atteindre les 12 coups de midi, enfin, les 4 bips, nous accueillons avec grand plaisir notre ami Xavier Mauduit afin de compléter au mieux notre petit tour d'horizon déjanté de l'actualité. Ainsi, la panique au Mangin Palace ouvre son petit kiosque à journaux. Allô Marcel. Ce que je reproche aux journaux, c'est de nous faire faire attention tous les jours à des choses insignifiantes, tandis que nous lisons 3 ou 4 fois dans notre vie les livres où il y a des choses essentielles. Alors, comme tout palace qui se respecte, le Mangin Palace, bien sûr, dispose d'un petit kiosque à journaux sévèrement fourni. Et afin de ne rien oublier d'essentiel, Monsieur Mauduit, ici présent, s'est chargé pour nous de feuilleter la presse. Bonjour Mauduit. Salut Colin. Alors, que dit la presse cette semaine, camarade? Eh bien, la belle saison approche et les magazines ont entamé le traditionnel marathon printanier de la quête au corps de rêve. Pardon Philippe, excusez-moi, j'entends une remarque de Natacha de Besançon. Parce qu'on ne le dira jamais assez, mais nous entendons tout ce que vous dites à côté de votre transistor. Nous vous avons en retour dans le casque. Donc Natacha fait remarquer que c'est la crise et que bon nombre d'entre nous ne vont pas partir en vacances. Et oui, c'est vrai. Oui, alors attention, je réponds à Natacha qu'elle a sans doute mal compris la nouvelle ligne éditoriale de tous les magazines qui nous promettent un corps d'Apollon ou de déesse, ça dépend. Alors cette année, les recettes minceur, Natacha, ce n'est pas pour séduire. Non, c'est pour se serrer la ceinture. Eh oui, c'est la crise. Bon, non, on l'a tous constaté, hein, depuis plusieurs semaines maintenant, tous les magazines proposent des petites astuces anti-crise, des économies, des trucs, des recettes de cuisine pas chères, des idées déco à base de récup, tout ça. Et le bimestriel, le magazine bio, nous offre ce bimois-ci 40 recettes pour faire soi-même, chez soi, ses propres cosmétiques. Oh. Ah oui, là, bon, on a surtout là un magazine qui entre ouvertement en résistance contre le gouvernement et surtout contre la politique anti-cagoule. C'est pas un amendement à la loi Montagne de 1985, non, le magazine bio nous conseille de porter des masques. Des masques bio et il nous donne quelques recettes. Alors écoutez bien Philippe, comme masque bio pour assainir la peau, on nous conseille un jaune d'œuf, 2 cuillères à soupe d'huile d'olive, bon, une mayonnaise, disons-le, une mayonnaise. Bon, sinon, pour revitaliser la peau, on nous propose un masque à base d'avocat. Ah, du guacamole, quoi. Voilà, mais le plus simple pour exfolier, c'est celui à base de farine d'avoine, une recette de grand-mère qui revient donc au goût du jour. Et justement, les recettes de grand-mère méritent d'être à l'honneur en ce moment, et c'est pourquoi je me suis intéressé à la presse de nos arrière-grand-mères, la presse du 10 mai 1909, il y a tout juste un siècle. Et oui, rien de tel que de chercher dans le passé les solutions pour sortir des difficultés du moment. Alors, l'humanité du 10 mai 1909, c'était un lundi, pose à sa une cette terrible question. Qui gouverne ? Alors bon, par anticipation, hein, déjà on se demandait si c'est François Fillon ou le président qui est à la tête du gouvernement. Mais plus terrible encore, toujours à la une de l'humanité du 10 mai 1909, on trouve un billet cinglant signé Jean Jaurès qui critique les socialistes indépendants. Oui, hein, à la SFIO, au PS, aujourd'hui, on a toujours des socialistes indépendants. Alors, Jaurès conclut son papier en disant que ces socialistes indépendants jouent un rôle de dissolvant funeste dans la crise sociale de leur présente. Et Jean Jaurès affirme que la crise ne permettra plus de finesses équivoques et que les socialistes indépendants disparaîtront. Eh, perdu Jeannot ! C'est go, elle est toujours là ! Non, pardon. Pardon, je vous présente mes excuses au nom de la France, pardon. Alors, toujours dans la presse du 10 mai 1909, le Petit Parisien, dans sa chronique intitulée « Dernière heure », nous apprend qu'à Lisbonne, une automobile a heurté une charrette et que le charretier a été blessé. Pardon Philippe, une remarque de Marie-Christine d'Arcachon qui nous dit qu'on dirait du Pernod. Oui, c'est vrai Marie-Christine. Bon, allez, maintenant passons au Figaro du 10 mai 1909, donc. Où à la une, le directeur du journal, Joseph Calmette, a laissé passer une petite blagounette qui s'amuse avec le Christine Lagarde de l'époque, Joseph Caillaux, le ministre des Finances donc. Ce même Joseph Caillaux dont la femme assassine 5 ans plus tard le directeur du Figaro, Joseph Calmette, pour se venger. Et sans doute pas à cause de la petite pique hein, du 10 mai 1909. Alors c'était quoi cette blagounette ? Ben, c'est une petite plaisanterie plutôt d'actualité aujourd'hui. Je vous raconte. Un type rencontre Joseph Caillaux, le ministre des Finances donc, qui commence à pérorer en faveur de l'impôt sur le revenu. « Ah !» répond l'autre, « nous n'avons donc plus rien à craindre parce que dans quelques années, il y aura l'impôt, mais il n'y aura plus de revenus. » Et bien vu, voilà, c'était dans le Figaro du 10 mai 1909 et c'est sans doute là la solution trouvée aujourd'hui par notre gouvernement pour réduire la pression fiscale de l'impôt sur le revenu et autant supprimer les revenus. Merci, Monsieur Mauduit, pour cette formidable revue de presse. À la semaine prochaine, cher ami. Le kiosque referme ses portes. Voilà, fin du 162e épisode. Tout le monde descend, faites gaffe de ne rien avoir oublié. C'était les actualités, revues et corrigées par la bande de furieux du Mangin Palace. On se retrouve dès le week-end prochain, le samedi et le dimanche, à 11h et en direct sur France Inter, pour de nouvelles aventures archiloufoques et total foutraque, bien sûr. Panique au Mangin Palace est une émission coécrite des doigts dans la prise avec le professeur Mauduit, un ami précieux que je remercie chaleureusement. Merci à toi, monsieur Xavier. Au platine, au montage et à la réalisation, il y avait bien sûr ce matin le maestro H2M Henri-Marc Mutel. Merci beaucoup, Marco. Assisté aujourd'hui à la technique de Loïc Frapsos, merci beaucoup à lui, c'était parfait. Pour toute la documentation et la préparation des clips sonores, on dit merci beaucoup à Flora Bernard, Julien Dugast, Claire-Sophie Collet, Yvan Beaujolais et Elsa Denac. Pour les scuds et toutes ces trouvailles, on a l'inépuisable Thierry Dupin qu'on remercie également vivement. Merci aussi beaucoup à Olivier Lefayère pour toutes ses idées complémentaires ainsi qu'au formidable documentaliste de l'INA. Voilà, pour toutes les informations supplémentaires, la panique au Mangin Palace possède un site internet sur franceinter.com où vous pourrez dans quelques minutes récupérer l'émission pour une balado-diffusion, autrement dit, le podcast. La journée continue sur France Inter après le flash. Vous retrouvez Marie-Pierre Planchon avec sa propre recette du crumble. Allez, portez-vous bien, prenez soin de vous. On se retrouve dès samedi à 11h pour le ministère psychique et dimanche prochain, toujours à 11h et en direct sur France Inter pour un nouvel épisode du Mangin Palace. Mais en attendant, d'ici là, un seul mot d'ordre, bien sûr. Surtout, surtout, ne lâchez rien. Ciao. On dirait que c'est la fin. Attends un peu. C'est moi qui suis le chef. Je dirai quand ce sera la fin. Ils couinent encore, ces salauds-là.